Kanyangi. Heureuse de vous retrouver, madame, monsieur. Bonsoir, bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grandes articulations. La Commission électorale nationale indépendante CENI trouve que les grognes de certains partenaires électoraux quant à la mise en place des commissions électorales provinciales indépendantes CEPI ne sont pas fondées. Dans cette édition, vous aurez les explications de François Bizimana, commissaire chargé de la communication à la CENI. Signature ce vendredi d'un accord de subvention de 10 millions d'euros entre la France via l'Agence française de développement et le ministère burundais des Finances, et c'est au nom de l'électrification au Burundi. Le président kényan William Ruto a nommé ce vendredi 11 nouveaux ministres, 8 jours après avoir limogé la quasi-totalité de son gouvernement. Les détails, c'est dans cette édition mise en onde par François Akiman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page politique pour débuter cette édition. La Commission électorale nationale indépendante CENI trouve que les grognes de certains partenaires électoraux qui disent n'avoir pas été associés dans la mise en place des commissions électorales provinciales indépendantes CEPI ne sont pas fondées. François Bizimana, commissaire chargé de la communication à la CENI, explique que seuls 24 partis politiques sur les 36 que compte le Burundi et 9 confessions religieuses ont présenté leur dossier. On l'écoute. Il répond aux questions de Omer Douayo. Nous avons entendu ces lamentations, mais nous n'avons reçu aucune plainte conformément à la loi. L'important pour la CENI, c'est que les confessions religieuses soient présentes dans les CEPI. Pour le cas de l'Église catholique, nous n'avons reçu aucun dossier de manifestation d'intérêt de la part de l'Église catholique. Auriez-vous communiqué cette Église par des écrits pour maximiser vos tâches? Quand vous voulez communiquer avec quelqu'un, il y a plusieurs façons de le faire. En date du 17 mai 2024, la CENI a organisé une rencontre à l'intention des partenaires électoraux, dont l'Église catholique. L'Église catholique était présente dans cette rencontre. Elle avait été invitée par la CENI. La CENI a porté à la connaissance de tous les participants que ceux qui le souhaitent peuvent présenter leur dossier s'ils veulent faire partie des équipes des commissions électorales provinciales indépendantes. L'Église catholique était au courant, mais nous n'avons vu aucun dossier de leur part. Sur 36 partis politiques agréés au Burundi, 24 ont présenté leur dossier à temps. 8 font partie des équipes des CEPI sur tout le territoire national, à des proportions différentes, évidemment. Mais au niveau des confessions religieuses, sur 9 qui ont présenté leur dossier auprès de la CENI à temps, 5 sont représentés au sein des équipes des CEPI. Le parti CNDD-FDD est représenté dans toutes les provinces et sur un grand nombre, alors qu'il y a d'autres partis politiques qui n'ont pas été représentés. C'est vrai, mais il n'est pas le seul. L'IPRONA aussi est représenté dans toutes les provinces. Le CNL, et vous avez dit avec un grand effectif. Je ne sais pas ce que vous voulez appeler grand effectif. Je sais que le CNL a 5 membres au niveau national. Celui qui n'a rien, il dira que le CNL a un grand effectif. Je pense que grand, c'est par rapport. Celui qui a 0, s'il obtenait le nombre de représentants de l'IPRONA, il dirait que c'est un grand effectif. François Bizimana, commissaire chargé de la communication à la CENI. Continuons cette édition avec toujours cette page politique. Le parti Parena trouve que l'intolérance politique qui s'observe sur terrain aujourd'hui est due au non-respect de la feuille de route qui a été signée par les partis politiques en 2013. Zenon Nimubona, président de ce parti, le dit au moment où une permanence du parti Frodebo en province Bubanza a été vandalisée, que d'autres partis politiques n'ont pas été autorisés à faire des réunions. Zenon Nimubona estime qu'il devrait y avoir une session de dialogue entre les partis politiques pour trouver un terrain d'entente afin de bien préparer les prochaines élections. On l'écoute. L'irrespect même de cette feuille de route qui avait le consensus de tout le monde avec la bénédiction de la communauté internationale a abouti aux mêmes crises politico-économiques comme celle d'aujourd'hui. Le pouvoir actuel, plutôt que de partir de la feuille de route pour organiser la vie politique comme convenu consensuellement, ne jure que par les élections. exactement à l'image de ceux de 93. Ils profitent de l'inconstance des acteurs politiques pour faire respecter le consensus. Il y en a qui croient que les élections sont une panace. Déjà, à partir d'Arusha, il y a des acteurs qui ont quitté Arusha croyant qu'en allant aux élections, ils vont renverser le pouvoir. Parce que le pouvoir s'était montré incapable à assainir la situation politico-économique. Mais quand ils ont participé aux élections, ils ont laissé le pouvoir tel qu'il était avant. D'où, et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partir du consensus de la feuille de route de 2013 qui devait permettre la révision du cadre légal pour parfaire les accords d'Arusha et organiser les élections dans un cadre consensuel. Les chefs de trois zones des six que compte la commune Rumonge ont été remplacés ce vendredi, en outre rétablis dans ses fonctions après avoir été acquittés par la justice. Il s'agit d'une mise en application de l'une des décisions de la récente réunion du conseiller communal de Rumonge. Certains parmi ces chefs zonaux remplacés étaient accusés de ne pas être à la hauteur de leur tâche. Une correspondance signée Jean-Pierre Misago. Dans la réunion du conseil communal de Rumonge du 28 juin 2024, c'est là où les prestations des chefs de zone de cette commune ont été analysées et a été décidé que certains chefs de zone sont en remplacés puisque ne s'acquittant plus convenablement de leur mission ou ont été désignés dans d'autres fonctions ou encore acquittés par la justice et donc à rétablir dans ses fonctions. Et c'est l'application de cette clause qui a eu lieu ce vendredi. Dans cette optique, les chefs de zone Minago et Kigwena ont été remplacés car ils n'étaient plus à la hauteur de leur mission. De son côté, le chef de zone Rumonge a été remplacé car ayant été affecté dans d'autres fonctions. Quant à la zone Kizuka, c'est Léonard Sirabahenda qui a été rétabli dans ses fonctions après son acquittement par la justice pour sa participation présumée dans la fraude du sucre. À la zone Rumonge, où nous avons été lors de la remise et reprise, Augustin Minani, administrateur communal de Rumonge, a demandé au nouveau chef de zone de diriger en père de famille, d'éviter de privilégier les intérêts privés, source de crise dans le leadership, et poursuivre l'hygiène et l'assainissement dans cette ville de Rumonge projetant d'être une ville touristique. Seules les zones Buruhukiro et Gatete n'ont pas été concernées par ces remplacements. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 18h08 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition. Je vous l'annonce en titre. La France, via l'Agence française de développement AFD et le ministère des Finances, du budget de la planification économique, ont signé ce vendredi un accord pour une subvention de 10 millions d'euros visant à financer la première phase du programme d'accès universel à l'électricité au Burundi, une initiative qui permettra de réhabiliter et d'étendre le réseau électrique et ainsi accélérer le développement économique et social du pays. Dans un communiqué de presse de ce vendredi, l'on rappelle que le Burundi s'est fixé pour objectif d'atteindre un taux d'accès à l'énergie de 70% d'ici 2030 et de 100% en 2040. La réhabilitation du réseau électrique de Bujumbura et son extension à l'intérieur du pays sont des étapes cruciales pour promouvoir un développement bas carbone et résilient. Ce projet vise à améliorer considérablement les conditions de vie des Burundais en facilitant l'accès à une électricité fiable et abordable, essentiel pour la santé, l'éducation, l'alimentation, les revenus et la communication, poursuit ce communiqué. Et le financement de l'Agence française de développement constitue une première phase du programme ambitieux destiné à transformer le paysage énergétique au Burundi. Et ce projet visant à réhabiliter le réseau électrique de Bujumbura, à étendre les lignes électriques à l'intérieur du pays et à créer des emplois durables pour la construction et l'exploitation de ces infrastructures. Les phases ultérieures du programme, a poursuivi le communiqué, incluront l'électrification des zones secondaires et l'accès universel à l'électricité dans les zones rurales. Et ce financement de l'AFD constitue une première phase d'un programme de ce programme. C'est une subvention qui s'inscrit dans un cadre de cofinancement avec des contributions importantes de la Banque mondiale, de la Banque européenne d'investissement, de la Banque africaine de développement et de l'Union européenne, précise ce communiqué de la France via l'Agence française de développement de ce vendredi. Poursuivons cette édition par cette page santé. Sur base des résultats revenus négatifs sur des échantillons effectués à l'INSP, le ministère burundais de la Santé publique annonce que la cause du récent décès de la fille de 9 ans de la commune Mugamba en province de Bururi n'est pas liée au monkeypox ou variole de singe. C'est dans une déclaration de ce jeudi soir. Dr Lidwine Baradahana, ministre de la Santé, fait savoir que 5 personnes ont été prélevées. Cependant, des échantillons ont été envoyés dans un laboratoire en Ouganda dans le but d'éliminer toute autre sorte de variole de singe non détectable par le matériel utilisé à l'INSP. Suivez. Il s'agit en effet d'une fille de 9 ans qui a consulté le 7 juillet 2024 la clinique Muramba en commune de Mugamba de la province Bururi pour des éruptions généralisées, une toux, une fièvre de 40 degrés Celsius. Malheureusement, cet enfant est décédé le lendemain, le 8 juillet 2024. La même symptomatologie a été observée chez 2 autres membres de sa famille. D'autres cas suspects ont été signalés à l'hôpital militaire de Kamenge et à l'hôpital national de police à mairie de Bujumbura et sont sous suivi médical. Après avoir appris ces informations, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a vite dépêché des équipes multidisciplinaires avec l'appui de l'OMS pour mener des investigations approfondies et faire des prélèvements pour des analyses au laboratoire. Au total, 5 personnes ont été prélevées. Après analyse des échantillons de la part du laboratoire national de référence de l'INSP, les résultats sont revenus négatifs à Mpox. À l'état actuel des choses, les équipes d'investigation sont occupées à effectuer des tests de diagnostic différentiel pour éliminer d'autres pathologies comme la varicelle, la rougeole, l'herpès, la syphilis ou des allergies médicamenteuses. Par ailleurs, des échantillons ont été envoyés au laboratoire spécialisé dans la recherche des maladies virales ouvries en Ouganda pour rechercher et éliminer tout autre type de Mpox non détectable par le kit utilisé au Burundi. Provisoirement donc, nous annonçons sur la base des résultats obtenus au laboratoire de l'INSP que la cause du décès de la fille de Mugamba n'est pas liée au Mpox. Cependant, nous exhortons la population à rester vigilante et à appliquer rigoureusement les mesures de prévention recommandées pour se protéger contre les maladies infectieuses, surtout dans le contexte actuel où notre sous-région fait face à une résurgence de pathologies épidémiques comme le Mpox dans l'est de notre voisin, le Congo. Pour cela, il est fortement recommandé à toute personne présentant des signes suivants, une fièvre élevée, une asthénie, une toux, un mal de gorge, un gonflement de ganglions, des lombalgies et des douleurs musculaires de début brutal et des éruptions cutanées, de se présenter le plus rapidement possible à une structure de soins la plus proche pour une prise en charge adéquate. Parlons commerce à présent. L'usine de production de l'huile d'avocat de Murayi se trouve en commune Geta de la province Gitega est fermée depuis 3 ans. Cette usine transformait une quantité de 250 litres d'huile par jour, sachant que pour transformer en litre d'huile d'avocat, on utilisait 40 kg d'avocat. Le directeur technique de cette usine fait savoir qu'ils ont fermé suite aux raisons, à des raisons sécuritaires. Des vendeurs d'avocats à cette usine indiquent que la fermeture de la dite unité de transformation est une perte pour eux du fait qu'ils écoulaient leurs marchandises près de leur localité. Le point avec Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Cette usine de transformation d'huile d'avocat de Murayi dans la commune Giheta, province Gitega, a été créée en janvier 2026 par les investisseurs italiens, membres de l'association Amis d'Afrique du Tezanyimbere. Elle a commencé avec un capital de 2 millions d'euros, soit près de 2 milliards de francs, en considérant le taux de change de cette époque. Cette usine produisait 250 litres par jour et lui était consommé au Burundi, mais une grande quantité était exportée où un litre se vendait 76 000 francs. Lenoto Lametti, directeur technique de cette usine, fait savoir que cette usine avait les difficultés liées au manque du courant électrique, les lignes téléphoniques ainsi que l'insuffisance de matières premières. Cette usine avait 64 employés qui sont aujourd'hui à chômage suite à la fermeture de cette usine il y a 3 ans. Ce directeur technique avance les raisons sécuritaires comme cause de cette fermeture du fait que les voleurs venaient plusieurs fois à cette usine et il avait déjà volé les matériels équivalents à 26 millions d'euros. Les vendeurs des avocats à cette usine trouvent que la fermeture de cette usine est une grande perte pour eux du fait qu'ils écoulaient leurs marchandises près de leur localité. Ces derniers précisent qu'ils vendent pour le moment leur production d'avocats aux commerçants qui viennent s'approvisionner en provenance d'autres provinces. Jean-Marie Vianney Ngendakoumana, parlons environnement à présent, célébration ce jeudi en commune Bukinanyana de la province de Cibitoke. C'est pour la première fois de la journée internationale du chimpanzé. Le Leonidas Nzigiyimha, représentant de l'une des associations partenaires de l'Office burundais pour la protection de l'environnement en matière de protection de la Kibira, a indiqué que le chimpanzé est une espèce humaine en voie de disparition, dont il faut le protéger surtout pour le tourisme. Le point avec Patrick Senghiumv. La journée internationale du chimpanzé qui est célébrée au niveau mondial le 14 juillet de chaque année a été célébrée au Burundi pour la première fois ce jeudi le 18 juillet dans la réserve naturelle de la Kibira côté Cibitoke à la colline C de la commune Bukinanyana. Dans son discours, Leonidas Nzigimana, représentant de l'association Conservation et Communauté de Changement, une association engagée dans la protection de la Kibira, a fait savoir que les chimpanzés sont en voie de disparition au Burundi, expliquant que le pays compte moins de 500 chimpanzés. Il a en outre appelé la population à la protection de cette espèce humaine qui peut faire entrer les devises dans le pays avec les touristes qui pourraient visiter la Kibira et ses animaux. Même son de cloche avec Emmanuel Ndolimana, secrétaire permanent du ministre et à l'agriculture, l'élevage et la protection de l'environnement dans ses attributions. Celui-ci a fait savoir que les chimpanzés ont beaucoup de chromosomes semblables à celles de l'être humain, d'où celui qui mange un chimpanzé est assimilé à un cannibale, a-t-il précisé. Au terme de ces cérémonies liées à la célébration de la journée internationale des chimpanzés ce jeudi, les gardes forestiers de la réserve naturelle de la Kibira côté Cibitoke ont bénéficié des équipements de travail composés de jumelles, des téléphones mobiles, smartphones, des machines ordinateurs, des bottes et des pierres noires pour ne citer que cela. Depuis la Kibira à la colline C en commune Bukinanyana de la province Cibitoke, Patrick Nsengiyumva va pour la radio Isanganiro. Une brève africaine avant de clore cette édition au Kenya. Le président William Ruto a nommé 11 nouveaux ministres ce vendredi 19 juillet. Une annonce qui intervient 8 jours après que le président kényan ait limogé la quasi-totalité de son gouvernement. Le chef de l'État fait face à une profonde contestation suite à une loi des finances controversée et à la répression meurtrière des manifestations contre ce projet depuis lors abandonné. Voilà, c'est par ici que je mets un point final à cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Merci également à François Kimana qui a assuré la mise en œuvre de très bonnes suites de nos programmes.